La salle des profs perdus de Victoria Cario. Quatrième épisode. I dreamed that our school days were over. My love, we were planning to wed. I tasted your lips, sweet as clover. Voilà presque bouclé ce maudit discours, comme tu dis. Merci, Claude. Je ne sais pas comment j'aurais réussi sans toi. Moins bien, comme pour tout. En tous les cas, tu en auras sué presque autant que pour la Greg. Oui, enfin, la Greg, c'était encore autre chose. On croit que ça va nous protéger de la médiocrité et de la violence du système scolaire, mais pas du tout. En adoptant ce genre d'attitude, tu démissionnes. Tu leur laisses la main, tu abdiques, quoi. Mais complètement, complètement. Il n'y a pas question d'autre chose que de ça, d'ailleurs. Comment ça? Ah, Annie, pardon, je t'avais pas vue. C'est fou, ton pull est exactement la même couleur que le canapé. J'en prie, ne dérangez pas pour moi. Faites comme si j'étais pas là. Ouais. Donc, comment ça tu abdiques volontairement? Mais j'abdique. Pour être clair, je démissionne de l'éducation nationale. Alors, je vais tenir jusqu'à la fin de l'année scolaire, hein, rassure-toi, mais après ça, c'est fini. Mais ça fait à peine 3 ans que tu enseignes. Tu peux pas renoncer parce que des petits branleurs de 3e se sont méchamment payés ta tête pendant un quart d'heure. Bon, écoute, Sylvia, t'as la vocation, j'arrête pas de le constater, j'en suis très heureux pour toi, vraiment. Tu mènes ta classe à la baguette, et c'est vrai, tu m'as tiré d'un mauvais pas en faisant irruption dans ma classe avant que je me reçoive une chaise sur la tête. Vraiment, non, je te dois la vie, et j'en ai conscience, je t'en remercie. Mais là, tu vois, ça suffit. Alors, prof, c'est un métier magnifique, hein, mais c'est certainement pas le métier de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est certainement pas celui pour lequel je suis fait. Attends, Annie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi? Oui, toi, t'as plus d'expérience que nous. Franchement, tu trouves pas que ça serait dommage qu'un prof, agrégé en plus, nous quitte à la première petite tempête? Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai quoi. Tout le monde n'est pas fait pour ce métier. Mais il faut se battre. Il faut... Je sais pas, moi, chercher des méthodes, des moyens de contourner les obstacles, il faut leur parler. Mais tiens, pourquoi tu ferais pas une heure de vie de classe? Mais je pourrais venir si tu veux. J'ai une meilleure idée encore. Pourquoi on ferait pas une double heure de vie de classe? Les tiens et les miens ensemble, pour parler de la violence envers les profs. Et tu vois, on pourrait tirer parti de cette triste expérience pour faire avancer les choses. Sylvia, j'ai plus la force, franchement. Mais Annie, je suis sûre que t'as connu ça toi aussi, non? Des moments de découragement, ça t'a pas empêché de tenir, non? Dis-lui. Ah, oui, c'est vrai. Enfin, en même temps, si on se sent pas, si on souffre trop, je crois pas qu'il faille non plus, on risque de voir sa santé. Non, mais on doit se battre. C'est tout, ce serait trop. Écoute, Sylvia, j'ai jamais voulu devenir prof. D'accord? Quand j'étais en fac d'histoire à Nanterre, j'ai rencontré une fille, je suis tombé fou amoureux d'elle, on a passé la licence puis la maîtrise à nager dans le bonheur, on s'est fiancés, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à critiquer le métier d'historien, ce que je voulais faire à l'époque. Hein, elle trouvait que prof au lycée, c'était bien mieux. Comme j'étais brillant, mes profs m'ont conseillé de passer la Greg, que j'ai passé pour faire plaisir à Caroline, hein, elle s'appelait Caroline. Une fois le maudit concours réussi, elle m'a quitté, pour un étudiant de Sciences Po, c'était il y a 3 ans. Alors maintenant, j'enseigne pour pas sombrer. Et parce que c'est le métier que mes diplômes me permettent d'exercer. Mais là, de l'avis même de mon psy, il est tout de même temps d'arrêter le massacre. Et toi? Moi? Ben oui, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses toujours que ce serait trop bête que j'abdique? Je suis désolée. Je savais pas. Je sens super con, en fait. Bon, je vais vous laisser. Sylvia, Antoine... Quelques années plus tard, j'ai reçu leur faire-part de mariage. Lui a écrit un brûlot, aussi brillant qu'injuste, sur les dysfonctionnements de l'éducation nationale. Et il a retrouvé le chemin de sa chère fac d'histoire. Quant à elle, elle est restée la plus énergique donneuse de leçons du lycée. Autant en salle de cours qu'en salle des profs. Un vrai conte de prof moderne, en somme. La salle des profs perdus de Victoria Cario.